Bonjour tout le monde, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. C'est Faucon Millénial, faut qu'on en parle un petit peu. Enfin, j'ai mis faut qu'on en parle dans le titre, mais c'est plus. Ouais, faut qu'on parle tranquille quoi. On en discute. Je vais m'absenter quelques secondes, mais mes collègues vont vous expliquer. Tout ce qui se passe là en ce moment dans l'univers Star Wars, il s'est passé plein de trucs hier soir. On en parle tout de suite, n'est-ce pas? Oui. Tu cries à fond. Oui. Bonjour, bonsoir si vous venez de revenir sur le live car on vient de terminer l'enregistrement. De l'avant-dernier épisode de The Millennials. Donc, on se retrouve pour parler, pour majoritairement parler en tout cas des annonces qui ont été faites la nuit dernière lors du Disney Investors. En gros, c'est une espèce de conférence en ligne dédiée aux investisseurs de Disney. Donc, c'est surtout à la base quelque chose pour un petit peu se la péter en mode « regardez ce qu'on va faire » et tout ça. Et donc, on a eu des annonces de Star Wars. On a eu beaucoup, beaucoup trop d'annonces de Star Wars, peut-être même. À commencer par, alors, c'était pas dans l'ordre, donc je sais pas si je dois dire à commencer. Mais en tout cas, on va commencer par les trucs chiants dès le début. Hein. Oui, comme ils ont fait. On va... le pire d'abord. Et puis... Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a deux séries qui vont arriver. Encore une fois, gérées par, il me semble, Jon Favreau et Dave Filoni. Qui sont donc, Chucky? Ah bah super, Ahsoka et... Fais le premier. Et les Rangers, je sais plus, les Power Rangers probablement. Rangers of the New Republic. C'est ça. Pardon Chucky. Donc, Ahsoka, on va pas en parler parce que ça nous fait tous un peu chier compte tenu du passif transphobe de Rosario Dawson, mais voilà, ce sera une série en live action sur le personnage d'Ahsoka Tano avec donc Rosario Dawson en tant que personnage principal. On sait que c'est une mini série. Alors je sais pas où Grushkov a-t-il vu ça, mais paraît-il que c'est une mini série. Tant mieux, ça veut dire qu'on aura moins d'épisodes. J'espère qu'elle va mourir à la fin. Et voilà. Bah, surtout, le vrai intérêt du truc, c'est que si on doit avoir des fins aux arcs de Rebels qui sont restés ouverts, ça sera là-dedans, j'imagine. Quoi. Je trouve ça un peu triste, même au-delà du fait que voilà, ce soit Dawson le personnage. Au-delà de ça, je trouve ça un peu triste de suivre un personnage qui commence à être âgé quand même. Hein, âgé et l'univers, c'est aussi dans notre monde à nous. Hein. Ahsoka, elle a été créée en 2008, c'est ça hein. The Clone Wars, c'est 2008. Donc, ça fait long, quoi. Mettez-nous un peu de nouveaux. Ouais. De nouveaux bah, après, si c'est de la même façon que dans le Mando où il y a beaucoup d'autres personnages qui interviennent, ça peut marcher aussi, hein, quelque part. Ce qui est intéressant, juste, et là, bon, c'est les pures spéculations, c'est au niveau du logo, on reprend les codes visuels rappellent fortement tout ce qui va être monde entre les mondes. Faut voir ce qu'ils vont en faire aussi, ça peut être intéressant. Il y aura peut-être beaucoup de flashbacks, de retours en arrière, des trucs, avec peut-être des Ahsoka interprétées par d'autres actrices. Swappez-la avec une autre. Mais il y aura peut-être aussi voilà, un jeu sur la temporalité, grâce au monde entre les mondes. Donc faut voir ce qui va en être fait. Oui, clairement, le visuel suggère ça. Hein. Ça rappelle beaucoup, beaucoup le design du World Between Worlds qu'on voit dans Rebels. Oui. Ça rappelle aussi le design, vous savez, des Meditation Stones enfin, vous savez, les endroits de méditation de Star Wars Jedi Fallen Order. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu vois, tu sais, les endroits où tu te mets à genoux pour level up, tout ça. Ouais. Donc voilà. Mais après, c'est un design qui rappelait déjà le World Between Worlds. Hein. Mais en tout cas, voilà. J'espère de tout mon cœur hein, que ça va clore l'histoire d'Ahsoka. Qu'on va pouvoir passer à autre chose parce que justement voilà, le problème je pense des annonces qu'il y a eu hier c'est qu'il y a alors c'est en demi-teinte encore une fois c'était rigolo parce que ils nous prouvent tout et l'inverse mais j'ai l'impression qu'il y a toujours ce problème d'aller de l'avant chez Lucasfilm. Bah ça c'est ouais. Bon, vas-y. Moi je disais à Grushkov Je pense que tout ce qui est High Republic, pour l'instant, ils sortent surtout les livres et les trucs un peu plus légers pour tâter le terrain. Et clairement, la plupart des séries qu'ils ont annoncées, qui sont autour de la trilogie originale et sur des persos bien connus et aimés du fandom, c'est clairement juste pour se faire plein de fric pendant qu'ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire après vers quoi ils vont se diriger. Il faut préparer la transition et puis il faut en donner un peu à tout le monde aussi. Fin... Ouais, mais là, ils en donnent qu'à tout le temps eux-mêmes, quoi. Tu vois, genre, c'est pas à tout le monde, là, clairement pas. Après, voilà, il y a d'autres trucs qu'ils ont annoncés qui étaient sympas, mais ça fait genre 3-4 projets sur 10, quoi. Après, comme dit, est-ce que tout ça, par contre, ça a été confirmé, c'est en développement, tu peux nous dire, Adrien, ou c'est genre, il y en a qui vont être abandonnés en cours de route finalement? Alors, on ne sait pas, hein, mais compte tenu, on va en parler un peu plus tard, du nombre de séries et de projets annoncés, on n'est pas à l'abri voilà, de choses qui ne se feront pas, faute de budget ou même faute de direction artistique complètement modifiée. Voilà. Et donc, tu m'as fait une excellente transition. De la Haute République. La Haute République, c'est drôle que tu parles de ça parce que justement, la série de Leslie Headland, donc la créatrice, réalisatrice de la série Russian Doll, que j'ai commencé à regarder aujourd'hui d'ailleurs, c'est très cool. Et bien, ça se passera pendant la Haute République, justement. Cool. Et en gros, voilà, on nous promet un petit peu voilà, une espèce de thriller. Qui se concentre sur, en gros, le côté obscur. Alors, on n'en sait pas encore beaucoup. Il y avait quelques trucs qui avaient été un peu... Enfin, quelques informations avaient été un peu avant dévoilées à propos de la série, comme quoi ça serait un truc un peu d'arts martiaux. Là, il nous parle de thriller. Compte tenu de la réalisatrice, de la créatrice même de la série, moi, je suis très content parce que c'est du sang neuf et dans un nouvel univers de Star Wars. Donc vraiment, moi, je suis fan. Cousin Seb qui nous demande où se situe la Haute République temporellement. Oui, bah, comme Romy l'a dit, hein, c'est à peu près 200 ans avant. En tout cas, les événements d'Edzal Prime, donc le principal événement qui va se passer autour de la première phase des romans et des œuvres estampillées Haute République se passe globalement 200 ans avant. Alors je vous avoue que j'aimerais beaucoup beaucoup qu'il y ait enfin dans Star Wars un système de vous savez de date quoi parce que c'est mal branlé je trouve de se référer à Yavin. Ouais. Bon, ça, il est souvent été question de changer cela, mais après, ils voulaient se baser sur la post-logie, donc bon, c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Ah oui, vous avez parlé ça, de changer la timeline à un moment, je sais plus, c'était en 2019, je crois. Oui, mais ça, c'est, tu sais, en externe, mais in-universe, comment les personnages disent le mois dernier ou genre il y a 2 ans, tu vois. Oui, et puis dans le passé, comment ils choisissaient, parce que Yavin, c'est après la Haute République, donc comment tu vois. Ouais. C'est ça, un référentiel de temps dans l'univers. Oui, l'univers, oui, c'est ça que je veux dire. Oui. Faudra regarder un peu comment ça se présente. J'espère qu'on aura une réponse par rapport à ça. Vous êtes chaud, vous, à propos de The Acolyte? Oui. Oui, bah, enfin, à voir. Le fait que ce soit une espèce de thriller, ça va changer un petit peu des genres qu'on a dans Star Wars. Le fait que ce soit sur un truc tout nouveau et dans le passé et assez longtemps dans le passé, et du coup ça donne plus de liberté sur ce qu'elle va pouvoir raconter et les persos qu'elle va pouvoir mettre dedans. Je suis curieux de voir. Merci Nebaf qui le dit, elles sont annoncées encore mettant en développement, mais on ne sait pas le niveau de développement. Alors, en l'occurrence, pour celle-ci, on n'a même pas un visuel ni un logo. On a vraiment, on a un logo, je n'ai rien dit, pardon. On a un logo, c'est un logo, encore une fois. C'est un JPEG, hein. C'est vraiment, voilà. Ah oui, bah... Ah oui, il m'a fait marrer le logo, on dirait vraiment un jeu d'horreur ou de... ouais, mais j'ai pas... Ah, je viens de le voir, pardon, je l'ai, ouais, effectivement, ouais. C'était mais, pas... Mais voilà, en tout cas, on va voir, je suis assez curieux, surtout que la Haute République, moi, ça me botte, vous commencez à savoir que ça me botte pas mal. Tu as parlé, Chucky, de... Décidément, les transitions que tu me sois sont. Eh ben c'est parce que je suis trans. Merci. Tu m'as parlé. Absolument. Tu m'as parlé donc de vision originale. Eh bien, c'est l'occasion de parler de Star Wars Visions. Alors, Star Wars Visions, pardon, c'est finalement une série, donc une série anthologique, avec donc, c'est-à-dire c'est des épisodes qui vont pas forcément se suivre, et bien, les épisodes vont être faits par, en gros, des créateurs d'animés. Donc, encore une fois, est-ce que c'est seulement japonais ? Je crois que c'est principalement japonais. Oui. Et donc, on verra des épisodes studios, des studios d'animation japonaise, ouais, effectivement. Oui, c'est ça. Ouais, bien vu pour la précision, parce que c'est vrai que moi, je ne connais pas grand-chose en manga et tout ça. Et donc voilà, c'est une anthologie. Il y aura 10 visions différentes, donc possiblement 10 épisodes différents. Avec, donc, on nous dit, voilà, les meilleurs studios d'animation japonais. Donc qui en gros offrirait hein, c'est ce qui est écrit sur le site officiel de Star Wars, offrirait une perspective culturelle fraîche et diverse à Star Wars. Ça alors, va être bien, surtout ouais. Que Star Wars était largement inspiré des cultures de l'Asie de l'Est, du Sud. Donc, Et t'es en train de manger ouais. En même temps que tu parles. Pardon. Oui, ça va être bien que du coup ils donnent. T'as pas entendu quand j'ai fait aïe. Ah non, j'ai pas. Qui donne enfin le champ créatif à des gens de ces cultures au lieu de se dire ouais, on va foutre des costumes cool à Padmé parce que c'est bien, mais en fait c'est de l'appropriation culturelle. Ouais. Alors moi, si tu veux, le problème que j'ai avec ce show, c'est que pourquoi il faut un show spécial à côté, tu vois. Comment oui, ça? Pourquoi pas simplement donner une série à un créateur japonais, tu vois. On verra. Je pense ouais, mais du coup, ils auront peut-être plus de liberté créative. Si, hein, un petit truc événement à côté. Ouais, peut-être, ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça aussi, moi. Ouais, Neybaf fait une comparaison dans le chat très très pertinente avec les Animatrix. Oui, c'est Animatrix, ça. Hein, c'est oui. C'était une anthologie d'animation qui avait plein de styles différents, tout ça, donc sur l'univers de The Matrix. Et ben en fait là je pense que ça va être plus ou moins pareil. Et ben, j'ai super hâte parce qu'encore une fois tout ce qui est frais je prends. Vous croyez qu'il va y avoir en espérant que ça ne sera pas comme Galaxy Edge Adventure quoi par contre. Encore une fois. Quoi ? En espérant juste que ça ne soit pas comme à nouveau comme Galaxy of Adventures avec C'est bien Galaxy of Adventures. C'est très bien mais ce serait bête de refaire la même chose mais simplement avec une touche japonaise. Non, je pense qu'il y a des histoires. Je pense qu'il y a des histoires hein, pour le coup. Là, c'est pas des histoires pas des courts-métrages hein. De 2 minutes. Bah, je pense que ce sera peut-être des épisodes de 20 minutes, quoi. Justement, ouais. Comme les animés japonais, quoi. Les petits, ouais. Des petits courts-métrages. Oui, mais avec. Original. Espérons-le, un opening d'animé stylé. Ah oh, putain, ce serait trop bien! Un vrai opening d'animé. T'as Star Wars et puis. Déjà vu! I've been in this place before. Iron on the street. Iron on Tatooine. En espérant qu'il n'y ait pas Tatooine. En parlant de Tatooine, décidément, la transition, c'est... je vous aime tellement. Eh bien, on a eu des nouvelles de. Attendez, il y a une erreur sur Twitch. Comment ça, il y a une erreur sur Twitch? Écran noir. C'est peut-être que c'est tout moi. Le monde. Non, il faut juste réactualiser. Ok, bon, c'était juste chez moi. Ok. C'est bon. Bah, donc, bravo, en parlant de Tatooine, on a eu des nouvelles de la série sur ce petit personnage joué par Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi. Général Kenobi. De quoi ? Général Kenobi. Attends, j'entends pas ce que vous dites, vous parlez en même temps. Oui, à chaque fois. Bon, bah, je le fais d'abord. General Kenobi. Ah, tout ça pour ça. Oui. Donc, on a déjà le titre de la série parce qu'on l'avait pas avant. Avant, on pensait que ça allait s'appeler Kenobi, Star Wars Story ou quoi. Et non, c'est vraiment Obi-Wan Kenobi. C'est la réponse D. D quoi. c'est super bon ça. Surtout, voilà la chose qui m'a le plus hypé dans cette série. C'est le retour d'un acteur particulier, les amis. Mais oui. Moi, je comprends pas pourquoi ça te hype alors que c'est le truc qui n'a rien à y foutre. Ouais, mais c'est Hayden. Bah ouais, mais justement, pourquoi prendre lui et faire Vador? Mais non, mais Vador, ça peut être aussi Anakin. Non, ils ont dit le mais costume ouais. de Vador. Ah. Ah ouais, j'avoue. Je veux dire, oui, super, hein, mais... Ça peut être après, très bien. Après, ça peut être pas con aussi de... Pour comprendre pourquoi Vador, il a pas essayé d'aller foutre un pied sur Tatooine en regardant si pour... enfin, qu'est-ce qui se passe là-bas, tu vois. Oui, il a foutu le pied. Ah, en fait, j'étais ici. Il a foutu le pied sur Tatooine. Il s'est souvenu qu'il y avait du sable partout. Il a eu un gros épisode de PTSD. Il est reparti dans son vaisseau. Ah non. Alors, Romy, notre hype de Hayden, c'est qu'on, en fait, on pourrait enfin. Enfin, pour lui, en fait, il pourrait enfin jouer Anakin. Bien écrit. Correctement, en fait. Sans la direction de. Sans George Lucas. Hayden, il est adorable en plus comme gars. Il est adorable comme acteur, oui. Surtout quand il fait des câlins à Rosario Dawson. Ah. C'était non, avant. Mais c'était avant. C'était il y a très longtemps, ouais. Mais, ouais, oui. Mais oui, c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est principalement ça. Et c'est pour ça que je voulais qu'il soit dans le 9. J'aurais bien aimé qu'il soit là, bien dirigé pour une fois, et qu'il soit vraiment... Il est droit, lui, à son propre truc qui fait que les gens ils vont arrêter de lui casser les couilles, en fait. Et puis en plus, il est adoré par beaucoup de fans. Enfin, je veux dire... Oui, c'est aussi l'enfance d'énormément de fans, dont nous, en fait. Hein. Enfin, nous, oui, on était ados. Moi, j'avais 12 ans hein, quand le dernier est sorti. 12 ans, bientôt 13. Nebuff, Jumper, oui, mais il sortait de Star Wars et il n'avait pas eu d'autres vraies expériences avant ça, si je me trompe pas. Il avait joué dans un film de Sofia Coppola, je crois. Mais... Oui. Ouais. Non, mais en vrai, voilà. Moi, je trouve que c'est un peu un faux débat de se dire est-ce que c'est bien ou pas qu'il revienne. Parce que, en fait, comme tu dis, l'important, c'est surtout pour lui, quoi. Genre, enfin, il va. Enfin, c'est un peu ça peut être très bien fait en plus, donc il n'y a pas à s'inquiéter pour l'instant, quoi. Moi, il y a juste un truc qui me terrifie un peu, qui me déçoit un peu, c'est que sur le logo, donc pareil, un JPEG, hein, Obi-Wan Kenobi, le I, ce soit le sabre laser d'Obi-Wan. Parce que moi, j'ai toujours dit que si je voulais une série Obi-Wan Kenobi, je voudrais pas qu'il sorte son sabre laser une seule fois. Mais toi, t'as toujours tes kings bizarres. Ils sont irréalisables, je veux dire. Même si je suis d'accord avec toi, je n'est pas content. C'est trop ça. À chaque fois, hein, t'as remarqué, quand il aime pas un truc, c'est parce que le truc a pas fait ce qu'il voulait, alors que c'est pas bien. Non, mais hein, en vrai, ouais, Adrien. Je dis ça, mais je vais adorer de ouf. Mais voilà, moi j'ai peur que ce soit une série de combats, quoi. Mais je suis d'accord avec Romy. Enfin, s'ils mettent Vador dedans, ça a intérêt à valoir le coup, parce que bon, déjà Vador, on en a bouffé, hein. Ouais, je lui ai touché les boutons. Il est vraiment là tout le temps. Et en plus, j'aurais bien aimé qu'en fait, il se revoie pas en fait entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Mais hey, à chaque fois que j'étais pas content ou sceptique d'un truc, ils ont montré que j'avais tort. Donc pourquoi pas en fait. Ou alors quand c'est j'étais vrai, content d'un truc, ils m'ont dit non, c'est en fait ça c'était de la merde. Donc, Ouais, à chaque fois ils nous la font à l'envers. Donc Ahsoka, ça va être la meilleure série. Ils vont recast. Ahsoka, c'est obligé. Non, je déconne. L'autre, elle était trop contente sur Twitter. Hein. Oh. C'est sûr. Mais ouais, Vador, on va voir. J'aurais bien. Voilà, pour le coup, j'aurais préféré Anakin. Mais bon. Ouais, comme je disais. S'ils le reprennent, je veux dire, ils pourraient prendre n'importe qui sous l'armure. Donc s'ils le reprennent, ça veut peut-être dire qu'on le verra sans son armure et tout défoncé. Enfin, on verra bien. En plus, c'est fait par Deborah Chow. Donc. Elle sait ce qu'elle fait. Moi aussi, je suis un peu sceptique sur ce qu'ils vont pouvoir dire entre Obi-Wan et Vador entre le 3 et le 4. Après, j'aimerais bien qu'ils explorent le château de Vador. Ce qu'il y a en dessous et tout l'aspect... Mais ça, tu l'as déjà fait dans le jeu. Oui, ce serait bien de le voir en fait. Et peut-être, pourquoi pas, les Inquisiteurs, justement, qu'on a vu que dans des jeux ou des séries... Et voir un petit peu la vie de Vador, une fois qu'il est Vador. Vous savez quoi, on va voir Cap dans la série, on va voir Flou. Putain. Moi je veux voir... Tu vois, t'es vraiment bizarre, Adrien. J'ai envie qu'on voit Cap, mais de toute façon on va voir Cap, on va voir Flou, c'est tout. Mais dans quelle série on pourrait voir Cap d'ailleurs, tu penses, Adrien? Dans Obi-Wan Kenobi. Non, mais dans quelle autre série, Adrien? Concentre-toi. Les transitions. Attends, je regarde les films, les trucs comme étaient. Ah oui, dans Willow. Non, je... Pardon, oui. Ou alors vous avez déjà parlé de la série sur Cassian? Dans... Non, on n'a pas encore parlé, justement. Justement, également, Cal pourrait être... Cal pourrait... Merci pour la encore, transition incroyable. Cal pourrait être présent. On s'en fout de Cal, on passe à autre chose. La série sur Cassian Andor qui a été eh bien, réellement voilà, montrée. Ils ont annoncé que... Eh bien, bah, qui aura Cassian Andor dedans. Incroyable. De quoi? Qui aura Cassian Andor dedans. Oui, voilà, ils ont annoncé qu'il y aurait Cassian Andor. Et donc, ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 semaines, il y a eu des rumeurs comme quoi le tournage avait commencé. Eh bien, c'est vrai. Kathleen Kennedy a dit elle-même qu'ils ont commencé le tournage il y a 2 semaines. Ouais, et d'ailleurs, ils ont passé des petits bouts de making of. Ouais. Oui, il y a une petite vidéo, ouais. Un sizzle reel, je crois, ils appellent ça. Un sizzle reel. En fait, la moitié, c'est Diego Luna qui fait « C'est trop bien, c'est trop bien !» Il est trop content. Je suis trop content. Il vomit, il fait « Ah, quand je suis vomi, je suis content. » Là, je suis hyper content. Et donc c'est... Cassian Andor, c'est... Ben, le nom de sa série, pardon, ça va s'appeler Andor. Ouais, vraiment, les noms de séries, par contre, c'est une catastrophe. Hein. Vraiment. Mais pourquoi s'embêter, ça marche? Bah, il y en a une pour laquelle ça marche pas trop, mais on en reparlera après. Oui. Et donc, on en sait un peu plus sur le casque. Sur le cast, pardon. donc, on aura dedans Adria Arjona, je sais pas comment on dit, qui joue donc dans Emerald City, dans Good Omens, si vous avez pu la voir. Qui est très cool d'ailleurs. Ouais, elle est aussi trop cool dedans. Underground. Ouais. On va voir dedans aussi Fiona Shaw qui joue Petunia dans l'univers de Harry Potter. Ouais. Et aussi et surtout voilà une légende un peu du cinéma hein, du 7e art, Stellan Skarsgård, donc le papa des frères Skarsgård. 50 000 frères. De quoi? Des 50 000 frères Skarsgård. Ouais, je crois qu'ils sont 4, les Skarsgård, les frères. Mais ils jouent tous des donc, voilà. Rôles de badass, c'est un bon truc flippant. C'est un bon baiser, donc. Oui, c'est un bon baiser, ça, c'est sûr. Et puis en plus, c'est des beaux enfants. Mais pour le coup, il a bien une tranche de... Enfin, comme celui dans Rogue One, une tranche de... Comment il s'appelle? De rebelle qui est un peu... extrême. qui a pas peur de se salir les mains. Je pense que ce sera ça un peu, ce sera le supérieur. Vous avez pu le voir notamment dans les séries dans Thor. Comme non mais ouais non bah bon voilà, il est dans les Avengers mais il est aussi et surtout dans Tchernobyl et dans Pirates des Caraïbes. Et dans... Oui, c'est le père de Will dans dans Pirates des Caraïbes. Ah mais bordel, oui. Oh la vache. Moi je peux pas penser à lui sans penser à ça. Hein. Et moi, tu viens de m'apprendre un truc. Bah, je te remercie, Chucky. A priori, il était aussi dans Nymphomaniac, je crois, mais j'ai pas vu le film. Il joue aussi dans Mamma Mia, mais aussi dans Will Hunting. En fait, allez voir sa fouille Wikipédia, il est dans plein de trucs. Ah, mais il y a quelqu'un d'autre que t'as pas dit qui est dedans, qui a été annoncé. Il y en a plusieurs, mais il y a Denis Gow aussi. Il y a Geneviève O'Reilly. Voilà, oui, forcément, je voilà, pas Geneviève O'Reilly. Geneviève O'Reilly qui joue. Qui joue bien Mon Mothma. Voilà, qui revient en live action. Après avoir été dans les super scènes coupées de l'épisode 3 qui aurait pu en faire un bon film et qui était dans Rogue One. Donc c'est la Mon Mothma de Rogue One, du coup. Ouais. Oui, toujours. Oui. Bah oui, l'autre, je crois qu'elle est morte. Il y a méchant qui dit... qui dit un peu peur de voir Ahsoka dans Andor. Ouais, mais maintenant, on a un peu peur de voir Ahsoka partout. Ouais, c'est ça. En fait, il faut savoir sur quelle série il bosse Filoni, et tu sais à peu près où elle risque d'apparaître. Est-ce qu'on verra les Botanes? Ben non, alors déjà, c'est pas ces Botanes-là, mais est-ce qu'on verra des Botanes? Oui, j'espère. Ce serait drôle. Son copain ou sa qu'ils apparaissent, Botan, mais pas au bon moment. Ce serait drôle qu'il meure pour porter les informations. Okay. Elle n'est pas morte, celle qui jouait Mon Mothma dans la trilogie originale. Bravo. Et juste gay. Mais tu réponds c'est tout plus. Comme. Hein. Mais non, enfin. Aucun respect. ouais, pareil, ça me hype toujours pas, mais écoute, il fait son petit bonhomme de chemin. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec le logo. J'espère que ce sera une série en une saison. Voilà. Oui, quelle série, excuse-moi ? Andorre. Ah, la... une saison. Oui, voilà, bon. Matt, tu peux poster ton truc avec le compte de Faucon Millenial, il était magnifique. Oui, mais je vais l'améliorer, s'il est pas parfait. D'accord. Mais non, moi j'aime bien ce logo pour Andorre, justement. Andorre, pas. C'est ce que j'ai dit, j'ai bien aimé. Ah, pardon. Je le trouve cool, le logo. Oui. Non, avec faut, le faut voir, mais j'aime bien le côté aussi thriller, série d'espionnage, ça peut être super cool en vrai. Je ouais, voilà, c'est ça. C'est épais, moi. Au moins, au niveau du thème, du genre, ça va être. Ça va être neuf, et c'est tout ce que je peux espérer en fait de toutes les séries, même celles qui m'intéressent pas, même le film qui m'intéresse absolument pas, tout ce que je peux espérer c'est que ça aura un nouveau feeling. Le film, moi j'ai grosses attentes. Ouais, parce bah attends, on en a pas encore parlé, mais on va y venir. Non, non. tu vas pouvoir en parler. Il nous reste encore quelques séries et d'abord à parler, on parlera des films à la fin si vous le voulez bien. Bien sûr. Yes, baby. La série, voilà. Andor, ça se passe à quelle période? Eh bien, entre 3 et 4. Eh bien, là, pareil, on a la série, on a même une bande-annonce de la nouvelle série d'animation The Bad Batch, donc qui suit ouais, c'est plus très près de l'épisode 3, hein, pour le coup. Oui, oui, pour le coup, ouais, c'est vraiment juste après. Tu peux redire The Bad Batch? The Bad Batch. Merci, ça me fait plaisir. Et donc, The Bad Batch, ça va donc suivre donc, les personnages de Hunter et tous les personnages de Team Fortress, pardon, de la Bad Batch. Et donc... Non, cette comparaison, moi, ça me fait beaucoup trop rire à chaque fois. Et donc, pendant que le chat me fait mourir de rire avec Rockford... ils font n'importe quoi, heureusement que vous pouvez pas le voir. Les autres, et donc, voilà, on n'a pas appris grand-chose de nouveau. Parce que, ben, il y a des images, hein. Oui, alors attends, on n'a pas. Est-ce que tu as appris beaucoup de choses de nouveau avec le trailer qu'il y a eu, honnêtement, Matt? J'ai vu un personnage. T'as vu qui? Fennec. Oui, mais tout le monde l'a vu, en fait. Fait marrer, le mec. Bah, j'ai appris quelque chose, quand même. Ouais. Il débarque un jour après tout le monde, il fait « Eh, mais ce serait pas Fennec, là ?» Genre, oui, bah écoute, mais on a déjà parlé de ça il y a un jour. Hein. Mais je voulais confirmation, attends, moi, je dormais. Voilà, tu vois, il est encore plus en retard que moi. Il fait ça exprès pour te faire plaisir. Non, je te jure que je l'avais pas vu. Bon, ouais, mais Adrien, il compte pas aussi, t'as vu comment il est naze. Ah ouais, je suis mauvaise foi. Mais par contre, voilà, encore une fois, ce contexte juste post-république m'intéresse beaucoup. Par contre, suivre ce contexte avec des... Ah ouais, putain, c'est Fennec. Avec des... suivre ce contexte, évoluer dans ce contexte avec les personnages du Bad Batch, bah, moi, ça me chauffe pas beaucoup, quoi. Bah, faut voir la dynamique horrible, qu'il arrive à créer. Hein. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est ce qui m'emballe un peu le moins. C'est trop drôle parce que tout est intéressant dans la série. Sauf ceux qui donnent leur titre à la série, quoi. Je trouve ça trop drôle. Genre, vraiment, j'ai été très surpris et ça a l'air assez sympa, en fait. Et ça a l'air d'explorer des trucs qu'on n'explore pas souvent dans Star Wars, en tout cas pas dans le nouveau canon. Et visuellement, ça, c'est du rap super, de Clone Wars en plus. Ouais, c'est du rap de Clone Wars saison 7, quoi. C'est ouais, vraiment c'est vrai, 200% ça. Mais du coup, bah. Il y a quand même tout le côté, est-ce que ces mecs-là, ils peuvent carry une série, quoi. Je sais pas, hein, franchement. Non, mais je sais pas non plus. Je pense qu'il y aura... Tu sais quoi, avec un peu de chance, on aura dedans des personnages cool, qu'on reverra après. Et je me dis, pourquoi pas même voir une Enfys Nest enfant, ou je sais pas quoi, quoi. Elle recommence avec ses kinks encore chelou. Si elle est pas dedans, il va détester la série. J'ai pas le droit de vouloir aller fister partout. Moi, autant arrêter là. Hein. Hop, je... Moi, je rejoins les Z-Traders à ce stade. Hein. Pourquoi ? Je rigole, c'est une blague. Enfisness dans Endor, tu vois ? Il n'y a pas que moi qui veux Enfisness, bordel. Mais nous, on veut qu'elle ait sa propre série, on n'est pas des connards qui veulent la mettre dans aussi, des séries des autres. Non, mais moi, je veux qu'elle ait sa propre série, son propre film, ses propres romans, son propre comics, et qu'en plus, elle s'infiltre chez les autres. Et que ses descendants aient aussi leur propre série, leur propre film, ouais. Leur propre... Ouais, en fait, voilà, on veut que des Enfisness. Oui, c'est à peu près mon état d'esprit actuellement, si tu veux. C'est comme ça que je vois les choses. Par contre, est-ce que vous savez ce qu'on veut moins voir dans Star Wars ? Ahsoka. Les transphobes. Oui, et aussi des flics. Et malheureusement, c'est ce que Rangers of the New Republic, le nouveau show, eh bien, encore une fois, de Favreau et Filoni, va nous montrer possiblement. Alors, on ne sait pas beaucoup... on ne sait pas ce que ça va être. Mais on sait que ça suivra des Rangers de la Nouvelle République. Alors déjà, c'est pas ceux qu'on voit dans la série. Hein. Oui. Vous ne verrez pas Dave Filoni avoir un premier rôle dans une série. Ouf. Alléluia. Mais, si c'est un Columbo de l'espace, par contre, ça me va. Ouais, non, je pense que ça va être la fameuse série sur Gina Carano. Hein. C'est Starsky. Vraiment, je me fais pas, je me fais pas de... Non, je pense qu'ils ne la mettront pas en première. Comme en je disais plus haut... Si on fait un duo à la con à la Starsky et Hutch, là, je signe à 10 000%. Hein, mais grave. Mais franchement, je pense que ça va être Cara Dune versus The World. Mais comme je disais avant, elle peut pas carrer une série à elle seule. C'est pas la peine. Ah bah non, bah, ouais, non. Elle devrait même pas être dedans, tout court. Mais... Oui, non, c'est fait par Filoni, donc ça va pas être. Enfin, vraiment, moi j'ai plus confiance en lui. Hein. Ah, mais il y a Favreau à côté. Vraiment, vraiment. Il a beau avoir fait Rebels depuis son truc d'avoir foutu Ahsoka vraiment exactement comme j'avais dit. Hein. Il a fait tout ce que j'ai dit qu'il ferait qui était nul. Il l'a foutu de force dans la série du Mando. Et en plus, c'était juste pour nous mettre, nous teaser en fait la série. Et c'est bien ce que je disais. C'est pour ça qu'il y avait une telle déconnexion. Elle avait rien à foutre là. Aussi, c'était juste pour même, sa même série. Moi qui défendais l'idée, je peux pas nier que c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Hein. Mais là, je veux dire, moi j'avais raison. J'en suis en colère. Mais alors, toi, tu dois être déçu, quoi. Et je pense qu'ils auraient fait ça mieux et avec un autre personnage, une autre actrice, j'aurais pu être hypé, même si je trouvais déjà qu'il en faisait trop avec Ahsoka. Mais là, vraiment, ces deux séries-là, de Favreau et Filoni, je les sens pas du tout. Et comme tu disais. Je préférerais qu'ils se concentrent sur le Mando. Et comme tu disais, en plus, ça se trouve, la série Ahsoka, ça va être en fait l'espèce de suite de Rebels, mais tourné autour d'Ahsoka, et du coup, il va y avoir Sabine et tout, mais ce sera gâché par le... ça sera peut-être l'affaire d'un arc. Je sais pas si vous l'avez dit, mais ouais, c'est une mini-série. Hein, oui, Ahsoka. Oui, on l'a dit. Je l'ai dit. Ouais, okay. Je l'ai dit, ouais. Mais t'as vu ça où d'ailleurs, j'ai pas réussi à trouver le... Parce qu'ils ont dit que c'était sur le site officiel, ils disent Limited Series. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat en plus, Adrien. Ouais. Ah, mais je sais pas. C'est une série en une saison. Ça, c'est bien. Suis un petit peu, Adrien. Pardon. Alors moi, pour clore là-dessus, c'est juste... Il faut qu'on parle de ce logo, parce que c'est juste le logo de République Commando. Enfin, il y a... Genre les mecs, on dit « Hey, torche-moi un logo, s'il te plaît, viteuf, là, il me faut un truc pour la série à la con, là. » T'as l'impression que le projet vraiment doit être au point mort pour avoir un logo pareil. Quoi. Alors c'est très drôle parce que il y a moi quand je le vois, il me fait vraiment penser à la série animée Buzz l'éclair à l'époque. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'était les vraies aventures de Buzz l'éclair et tout, Star Command et tout. Et c'était ça me fait trop penser à ça. C'est giga kitsch. Moi, il me fait penser à l'imagerie qu'il y avait à un moment donné autour de l'épisode 2. Même République Commando, je suis une mauvaise quoi, a un logo un peu plus travaillé que ça. Quoi, mais... Avec les teintes de bleu comme ça et tout, ça fait vraiment cheap. Quoi. Tu sais quoi, Matt ? République Commando, c'est quel univers ? C'est Légende. Un peu comme le jeu classique qui s'appelle. Ça, je suis vraiment trop content. Qui s'appelle. Eh bien, Je vais le taper, hein. qui s'appelle Rogue Squadron. Alors, encore une fois, Rogue Squadron... La suite, c'est... donc, de Rogue One. Hein. Bah, non, mais... ça ne fait... Bah... Alors, encore... Juste, rapidement, c'est un film, donc, au cinéma, qui va être réalisé par Patty Jenkins, à qui on doit le très, très bon Monster et le beaucoup moins bon Wonder Woman. Mais... donc voilà, moi je suis content de voir Patty Jenkins sur Star Wars. Mais parce que, première réalisatrice de films de Star Wars de tous les temps, ça, ouais. Ça a seulement pris 40 ans. C'était si incroyable. Rapide. 50 ans, ils ont pas fêté leurs 50 ans, Lucasfilm. Non, mais de faire Star Wars. Okay. Non, attends, ouais, après mais... le reste, je veux dire, c'est pas tout de suite que Willow va être réalisé par des gens. Non blanc. Alors qui et ouais, non ziziteux. Alors qu'il pourrait vraiment juste embaucher Bryce Dallas Howard pour faire la meilleure série Willow possible. Quoi, mais bon. C'est vrai. Bref. Puis là, ce serait tellement logique en plus. Ce serait génial. Bah oui, bien sûr. Mais dans un film qui parle autant de la filiation, des parents, de la parentalité, mettre Bryce Dallas Howard dans Willow, mais ça serait la chose la plus intelligente. Mais il faut qu'on fasse ce hashtag-là, hein, Bryce Dallas Howard for Willow. Allez, let's go. Bah bien sûr, mais n'hésitez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à aller emmerder Grushkov et toute l'équipe pour qu'on traite aussi Willow dans Faucon Minol, parce que ça fait vraiment un an que je les ai rejoints, ça fait un an que je leur casse les couilles avec ça. Donc, mais vraiment, on ne trouve jamais le temps. Les autres, les autres, ils veulent pas le regarder en plus, Matt et Ximnut, parce que c'est des connards. Mais allez, regardez, Sorcha, elle est genre trop belle. Oui. Bon, ça suffit, stop le zizi là. D'accord, mais on fait la caravane du courage. Oui, ouais, bah, oui. Aussi, mais la caravane du courage, tu vois, ça c'est Star Wars, donc ça a la priorité sur Willow. L'épisode Willow pour le 1er avril, comme on avait fait Star Trek. Ouais. donc, Rogue Squadron, une série, en fait, parce que justement, Patty Jenkins, c'est un film. Même... Oui, pardon, un film. Patty Jenkins, ça fait donc une petite vidéo promotionnelle où, en gros, on la voit dans un aéroport avec quelqu'un derrière. J'adore l'armée. Voilà, mon papa, c'était un soldat. Il s'est fait tuer parce que les soldats, ils se font tuer, c'est leur seul but. Donc, moi, du coup, je voulais honorer mon papa. Américaine. Donc, je me suis toujours dit que j'allais faire un film d'aviation. Et donc, je vais faire un film d'aviation Star Wars. Et donc, elle dit pas seulement, en gros, elle met un casque, c'est un casque de pilote de X-Wing, de Rebellion. Et en gros, voilà, le film va s'appeler Rogue Squadron, qui, moi, voilà, me dérange énormément. Mais elle met pas que le casque, en plus, elle met aussi la tenue de pilote et elle va dans un X-Wing. C'est vrai. C'est vrai, oui. Ouais, c'est pas juste Matt qui a son casque et qui prend un selfie, tu vois, il y a le truc derrière. Ouais, non, c'est vrai. Parce que Matt, n'a pas le budget. Rogue Squadron, c'est une autre histoire. Comment ça? Bah, ça existe déjà, Rogue Squadron, en fait. Ouais. Tu vois? Mais toi, tu considères que c'est dans le Legend, mais je te rappelle qu'on parle de l'escadron Rogue dans l'épisode, enfin dans l'Empire contre-attaque, dans le Retour du Jedi. C'est toujours dans Squadrons. Et dans ça va être les mêmes. Ça va. Mais ça va. Alors, je pense pas que ça va être le même parce que ça, je pense que ça va être le nouveau Rogue Squadron et dans lequel peut-être que notre cher Wedge sera le vieux qui passe la main à la nouvelle génération. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Et toi, Matt? En tout cas, je pense qu'on aura des femmes dans l'équipage. Merci, déjà, Matt. Donc, pardon. J'ai pas entendu ce que t'as dit, pardon. J'ai dit « Et toi, Matt ?» et puis c'est toi qui as commencé à parler. Vas-y, continue. Pardon, non, Matt, continue, hein, mais je pense qu'il y en avait déjà. Vas-y. Oui, il y en avait une, quoi. Mais parce que déjà, voilà, je pense que dans Rogue Squadron, le film, il y aura plus de femmes que dans tout l'univers Legends. Déjà, moi, ça me plaît. Mais tu connais un peu Rogue Squadron, Adrien, ou pas? En vrai, pas du tout, mais ça ne m'intéresse pas. Il part du principe que c'est juste un jeu vidéo. Bah ouais, mais justement, Matt, explique-nous l'escadron Rogue, qu'est-ce que c'est? Pardon, tu me parlais? Oui, je te dis, vas-y, explique-nous l'escadron Rogue, parce que toi, tu sais tout dessus. Bah non, je sais pas tout. Bah t'as lu les bouquins, non? Oui, je les ai lus quand j'avais 10 ans, 12 ans. Putain, mais Matt, tu sers vraiment à rien. Enfin, oui, je ne sers à rien. Mais non, mais c'est l'escadron formé par Luke et Wedge suite à la bataille de Yavin. Il devient peu à peu, c'est un peu l'escadron d'élite de la Rébellion, puis de la Nouvelle République, dans l'Ancien Canon. On a plein de personnages qui reviennent. Alors, qui sont créés forcément dans les romans et on suit la prise de Coruscant. Voilà, il y a aussi pas mal d'événements autour de Tifera, il y a la guerre du Bacta, c'est assez cool. En vrai, les bouquins sont assez cool. Je pense pas qu'ils aient trop mal vieilli. Ils avaient toutes leur propre histoire avec leurs propres méchants. Alors, plusieurs propres méchants, c'est assez cool d'ailleurs aussi pour certains. Non, c'était vraiment. J'allais dire, c'était pas une trilogie, en l'occurrence, on avait, je crois, une dizaine, une douzaine de bouquins, mais même si tu lisais pas le reste de l'univers étendu, t'avais quand même ça sous la tête, sous la dent, c'était quand même vachement bien. Ouais. Et c'était très cool. Très très cool à lire, parce qu'il y avait aussi l'escadron Spectre qui se développait à un moment donné, où là, c'était vraiment un peu des rebuts de l'armée de la Nouvelle République, ah oui, que Wedge entraînait. Ouais, à l'époque, déjà, c'était une sorte de Bad Batch, encore différent, parce que c'était... Alphabet des... Squadron, alors. Voilà, je pense qu'on est peut-être plus dans cette dynamique-là, mais c'était vraiment c'était très cool à lire. Et là, je pense qu'on reprend juste le nom et on va faire autre chose avec, hein, simplement. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi à chaque fois il hurle Adrien parce qu'il dit « Ah, mais c'est du légende !» Alors, mais non, parce que l'escadron est toujours canon, mais après, tu peux en faire ce que tu veux avec. C'est comme ce qu'ils ont fait. Ils reprennent juste le nom, hein, clairement. Mais bon, pour le coup, ouais, ça me va, alors. C'est vrai que j'avais oublié qu'ils ont fait référence dans les films, en fait, de ça. Mais ouais, mais est-ce que vraiment c'est le meilleur format en film pour faire un cross-quadron ? Je ne sais pas trop ce qu'ils pourraient raconter dans un film. Est-ce qu'ils vont faire Top Gun, en fait, ou... Ouais, parce que moi, ça m'intéresse pas. Hein. Je sais pas, mais ça va être les fins, quoi. Ça va être les scènes de... Enfin, il n'y aura pas que ça, j'imagine, mais les scènes de Rogue One, des combats spatiaux, mais sur un film avec des enjeux entre les personnages. S'ils arrivent à créer une bonne dynamique entre les personnages... Et à les mettre dans des situations délicates derrière, ça peut être vachement bien foutu. Je pense que sur une série, ça soufflerait peut-être trop vite, oui, ou alors en fait sur une série. Ouais, c'est sûr. Et là, en l'occurrence, sur un film, un one shot à la Rogue One, ça peut bien marcher. Hein. Enfin, moi, je suis super chaud parce que je trouve qu'on n'a jamais assez de batailles spatiales. Donc là, tout un film dessus. Ouais, ça va être que ça là. Ouais, moi, j'attends de voir ce que ça va donner. Il y a Funeli qui dit, imagine, il y a Keo dedans, et j'avoue que s'il y a Keo à fond. Mais grave. Je pense pas qu'il y aura Théo et tout dedans. Ça peut être l'occasion de faire aussi avec le quadrant, c'est clair. Ou alors ils seront dedans, Kyo et tout, et genre, pas en personnages centraux, mais juste ils seront là, quoi. Ça peut être fun. Je pense qu'il y a un super truc à faire avec, simplement. Ouais, vraiment. Vraiment, il peut y avoir. Ça peut être. En fait, ça a tout le potentiel d'être le Star Wars le plus spectaculaire popcorn qui a jamais été fait, pour le coup. Ah, sur moi, avec Rogue One, le Star Wars qui méritera peut-être le plus son nom, quoi, parce que si c'est vraiment des pioupus dans l'espace, voilà, c'est ça, des courses poursuites. Et surtout, moi, quand je vois, oula, pardon, je fais tomber un truc, mais si on prend l'exception des films de JJ, tout ce qui est pilotage, vraiment, ils ont fait des trucs assez cool dans tout leur contenu, en fait. Ouais. De Rogue One, TLJ avec Poe et tout au début, Solo, là le Mando et le court métrage Squadrons, il y a vraiment vraiment de quoi de se faire plaisir. Donc pas dire moi, que c'était mieux temps, avant, mais si je peux avoir la pardon. Je dis, moi, j'oublie tout le temps que c'est pas des vrais vaisseaux, parce que c'est oui, tellement bien c'est vrai fait que TFA a une super scène avec le Faucon, non, tu vois, même TFA il y avait un truc de ouf. Non, mais je vais pas faire le vieux con, c'était mieux avant, mais si ça a la même vibe que Rogue One, je serais très content, par contre. Avec les mecs avec des moustaches et les plans dans le cockpit à l'ancienne, comme ça peut être très cool. Mais en vrai, pardon. Oui, j'allais dire, d'ailleurs, on n'est pas sûr, il parle d'aller vers le futur de la galaxie, est-ce que c'est du coup post-épisode 6 ou post-épisode 9 parce que c'est pas du tout la même chose. Non, et sachant que Dennis Lawson il est revenu pour l'épisode 9, ce serait pas déconnant qu'il fasse en fait la nouvelle République et genre avec le Rogue Squadron. Ça va peut-être un peu trop loin, mais je sais pas. Non, mais pour le caler à la... Ouais, entre pour garder Wedge dedans sans avoir à le recaster. Ouais, là, je pense qu'ils utilisaient du maquillage à la con là. Je sais pas, mais je suis partant en tout cas à 200% moi, perso. En plus, une femme au la réal, c'est cool. Un film comme ça, en plus, il aura moins de pression parce que voilà, c'est fini au niveau de la saga Skywalker, ça maintenant c'est bouclé. Ouais. il sort dans 3 ans, si je dis pas de conneries. Il l'annonce en 2023. Décembre, non, toujours. Décembre, donc ils restent en décembre. Ils ont enfin compris. Ils ont arrêté d'essayer de revenir en mai, qui est plus du tout le spot de Star Wars. Donc ça, c'est des fois ils prennent des bonnes décisions. J'ose espérer qu'il sera bien né. En tout cas, il part sur de bons rails. Et puis voilà, c'est, même simplement, il suffit de pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Tu prends un petit événement, juste de quoi faire une intrigue qui tient la route. Tu crées une bonne dynamique autour de l'escadron, un méchant cool. Et t'as de quoi faire un super truc déjà. Exactement. Mais bon, voilà, on verra bien. Petit aparté. À la base, hein, décembre 2023, c'était là où était prévu le nouveau film de la nouvelle trilogie. Alors, est-ce non, que ça a jamais été dit ça. Non. Si, ça avait été dit. Et ça avait été dit à une époque. Pas par Lucasfilm. Hein, c'était juste des spéculations de gens qui. On dit que c'était, c'était oui. Ça, mais en fait, il disait il y aura un film à cette date-là, un film à cette date-là, un film à cette date-là, mais les gens, ils ont dit il y en a trois, donc c'est une trilogie. Donc, oui, mais oui. Sauf que non. Ça n'a jamais été dit que c'était une trilogie. Con, c'était juste oui, t'es complètement con, mais ça, on te le dit tout le temps, mon chéri. Ok, ouais, t'as maths aussi. Comment ? Non, je charlie maths. Je suis con, mais il n'empêche que je suis parfaitement hypé par. L'autre film qui n'a pas encore de titre, qui n'a pas encore de date, mais qui a un réalisateur et pas des moindres, puisque c'est Taika Waititi. Oui. Ouais, alors pour le coup, il sortira sûrement en 2025 celui-là, du coup. Il a un logo moi, trop 2024, fun en plus. Mais non, mais ils vont les séparer de 2 ans à chaque fois, non ? Ouais, je sais pas. On sait pas. Je pense pas qu'il sortira avant Rogue One. Après, peut-être. Je sais pas. Je pense que ce sera après. Hein. Mais en tout cas, il bosse dessus. Oui, et, il a déjà commencé depuis plusieurs mois. Et puis voilà, ils disent sur le site officiel que l'approche de Taika Waititi va être fraîche, unexpected, donc c'est un... Inattendu. Inattendu, merci. Et unique. Alors moi, quand on me promet de quelque chose d'inattendu dans Star Wars, je saute dedans, mais à poil, quoi. En plus, t'embauches pas Taika Waititi pour faire un truc ultra attendu et scripté à l'avance, quoi. Si tu l'embauches, c'est parce que tu lui laisses carte libre pour faire son truc à lui. Hein. Ouais, et là, ça va pas être comme avec. Et c'est là la différence, tu vois. Maintenant, ils sont beaucoup plus intelligents qu'avant par rapport à ça. Ils ont pas fait comme avec Lord et Miller pour Solo. Ouais. C'est-à-dire que Waititi, il a déjà fait du Star Wars dans Le Mandalorian. Ils savent déjà, il a déjà bossé avec eux. Et du coup, ça veut dire il va pas se faire virer pour des différences de vision du truc, quoi. Oui, Taika Waititi, il avait. C'est toi qui avais trouvé ça sur Instagram Grush, où en gros il disait que c'était à son tour de ruiner Star Wars, quoi. C'était moi qui suis sur Instagram. Ouais. Oui. Et oui, il avait dit quoi exactement ? Oh, je sais plus, ça date, hein. C'était il y a vraiment. Ah oui, ça date de la dernière fois, d'accord. Il avait dit un truc en gros, comme quoi il était en train de bosser sur Star Wars pour le script. Et genre, il avait dit un truc du genre. Je vais ruiner Star Wars, tu vois. Oui, il avait fait une blague, mais je me souviens plus exactement quoi. Mais il fait tout le temps des blagues de toute façon sur son Instagram. Ouais. En général aussi, je pense. Donc moi, ça me hype, hein, voir. Enfin, vraiment, Taika Waititi, ruine-moi tout ce que tu veux, y a pas de problème. C'est un dilf. Clairement. Comment ça s'appelle ? Je sais pas si vous avez vu le visuel du coup qu'ils ont fait pour son film ou c'est juste Star Wars, mais. En truc bleu et rose avec des couleurs ultra flashy et tout, je sais pas si vous avez vu. Ouais, il y a quelqu'un qui disait que ça leur rappelait le logo de la vie de Brian des Monty Python. C'est un truc un peu comme ça. Oui, c'est en pierre aussi. Ouais. Ah, j'avoue. Du coup, à ça peu près sera super drôle. la vie d'Anakin et ça sera une parodie de la prélogie. En tout cas, j'ai hâte de jouer dedans. La vie de l'élu. Et du coup, il y aura du Jul dedans. Yes. Ah bah obligé. On va voir, mais en fait, ce qui était bien avec Thor Ragnarok et aussi, en fait aussi tous ces films, c'est que ouais, ça va à fond dans l'humour et tout, mais il y a toujours beaucoup de d'émotions dedans. Hein. Ouais. Justement, moi qui adorais Loki. J'ai vraiment beaucoup aimé Thor Ragnarok parce que il devenait un personnage. En fait, la promesse du personnage de Loki dans les premiers films, bah ça y est, elle allait enfin jusqu'au bout. Il devenait enfin. Vous savez, il avait une rédemption et il survivait à la fin. Et la Disney, ils ont fait « Oh, attendez, attendez, attendez ». Et du coup, dans le film d'après, ils le butent au bout de 3 minutes. De façon dégueulasse. C'est vrai, putain. Et c'est pas américain, ça, oh. Ouais, c'est trop ça. Mais ouais, c'était vraiment, vraiment, pour le coup, vraiment, je lui fais totalement confiance. Ah oui. Mais dans 5 ans. Ouais, d'ailleurs, je disais, Rogue Squadron, il sort en 2013, et du coup, notre fils aîné, il aura 10 ans, 2023. Et ça se trouve, ce sera le premier... Oui, 2023. Mais il est né en 2013, le petit, c'est pour ça que je suis désolé. Il sort en 2023, il aura 10 ans, donc ce sera peut-être le premier Star Wars qu'il verra au cinéma, si c'est un truc de piou-piou, lui qui adore les vaisseaux. Mais avec content. Ce serait ouf. Moi, j'avoue. Donc voilà, Rogue Squadron, meilleur film aussi, désolé. Ouais, j'ai vu le trailer de Loki, mais c'est pas le même Loki. Mais c'est toute une autre histoire, ça n'a rien à voir. Écoutez, je pense qu'on a bientôt, bientôt terminé. Et du coup, vous avez parlé de Lando quand j'étais pas là? Non, on a pas parlé de Lando. Bah non, il a oublié. Non, mais je gardais ça pour la meilleure à la fin, justement. Oh. Il y a aussi un petit truc avec des droïdes aussi, j'ai vu. Oui, il y a un truc. Ah oui, les droïdes, ils ont annoncé tellement de trucs, les bâtards. Qui est fait par Lucasfilm Animation et ILM. Donc, ça se trouve, ils vont encore faire un truc bizarre, tu sais, comme les ILM X-Lab, là, où c'est des expériences VR. Ça se trouve, ça va être un truc avec de la nouvelle technologie et tout ça. Ouais, on verra. Alors, j'ai pas. En gros, je crois qu'on verra, c'est le meilleur truc à dire. C'est C3PO et. Oui. Et R2 qui prennent un nouveau droïde sous leur aile, quoi. Ah ouais. D'accord, donc il y aura quand même un nouveau droïde, j'avais peur de ça, enfin, j'ai pas... Un jeune droïde, ils ont pas précisé si c'était un qui existait déjà ou pas, mais voilà. Ah, c'est vraiment ça l'histoire? Oui, c'est ça. Tac. Donc notre couple story. Gay adopte un bébou, nice. Oh ouais. Oui, ouais, c'est ça. Ça comme tu vois Adrien, il pense à toi aussi. J'espère que ça va pas être neuf. Comment? Oh, j'espère que c'est n'importe quand, j'en ai rien à foutre. J'espère qu'ils vont vivre leur aventure à côté, genre rien à foutre du reste. Genre. C'est vraiment un truc à part, peu importe la période. Ça se trouve, j'espère que c'est 5000 ans après le 9 et on n'entend oui. plus jamais. Et on découvre que c'est bien R2-D2 qui a raconté la saga Skywalker. Et en fait, à son bébou qu'il a adopté. Il avait plus de batterie pour le dernier, alors il a inventé un truc rushé. pour qu'on le laisse tranquille. Ah ouais, écrivain, c'est vraiment pas ton métier. Hein. Ouais, la série Flix et Orca avec des marionnettes. Ouais, alors pour le coup, tout ce qui est... Là, ça c'est un truc dont on va pas vraiment parler, mais ouais. Tout ce qui est post-logie, je veux dire, le Star Wars de Disney, hein, ils en ont rien à foutre. Mais genre, il y a rien, la post-logie. Ça n'existe je pas. Je pense qu'ils sont ultra embarrassés à cause du 9. Pareil, ils savent là pas ce qu'ils doivent faire. Ils ont sorti, vous savez, ils ont sorti plein d'art, plein de posters, tu sais, des illustrations et tout pour la célébration. Il y en a un de la post-logie et c'est juste Rey dans sa tenue blanche, quoi. Et tout le reste, c'est que des trucs d'autres époques. Ça me rend ouf, genre, ils s'en ont plus rien à foutre. Genre, c'est limite s'ils vont pas les virer aussi de Galaxy Z, tu vois. Ils sont en train de renier leur propre création et c'est genre vraiment tout ça pour ça. Et pour ça, hein, tous ceux qui ont encore de l'espoir pour revoir un jour Ben Solo et tout, stop, arrêtez maintenant parce que c'est genre si vous ça revient, ce sera dans 40 ans. Mais je pense pas. Ben, un roman dans 40 ans en mode nostalgie pour l'anniversaire, quoi. Ouais. Dans des BD encore super mal dessinés. Ah, à propos de Siri Flix et Orcake des marionnettes, on est d'accord que tout ce qui a été annoncé, c'est pour du public adulte, là, jusqu'à présent. Ben, peut-être pas Droid. Oui, justement, je me posais la question. Et Vision, on sait pas non plus. Ouais, Bad Batch, je pense que c'est pour... Bad Batch, bon, voilà. Bad Batch, à voir, bah, ça s'adresse qui ceux qui ont grandi avec Clone Wars ou des enfants? Je pense que ça s'adresse à ceux qui ont grandi avec Clone Wars, ouais. Donc... Voilà. C'est ça, c'est... Ça manque de trucs pour gosses, mais justement, c'est pour ça, ça parlait de trucs de résistance, et... Genre, mais les... Ouais. Les enfants, j'allais dire, mais oui, c'est ça. La jeunesse, quoi. C'est vraiment genre en tant que. Et encore, hein, moi j'étais déjà fan avant, mais je vois tous les gens qui sont devenus fans avec la post-logie et tout, mais ils se font cracher dessus là. Hein. Vraiment, ouais, là, depuis Tross, ils se font cracher dessus. Nous, on a de la chance d'avoir été fan avant la post-logie, parce que waouh, ceux qui sont arrivés grâce à TFA et TLJ, ils se font cracher à la gueule. Constamment depuis décembre dernier, et ça c'est pas normal, surtout que c'est le truc de Disney. C'est genre s'ils étaient pas cons, ils iraient à fond sur leur création, pas sur la nostalgie d'il y a 40 ans, enfin. Ouais. Les gars, vraiment, c'est vraiment vraiment bête avec c'est le problème que j'ai avec la série avec les droïdes, justement. Autant j'adore R2 et 3PO, mais autant ben c'est pas malin, parce que les gosses d'aujourd'hui s'en battent les steaks, en fait, de R2 et C3PO. C'est juste pour les darons, quoi, genre donner leur c'est pas vrai. Mes enfants, ils adorent C3PO et R2D2. Oui, non, mais je pense qu'ils préfèrent mais... Chopper. Ils préfèrent Chopper, mais oui, de loin, mais... Ça, mais bien sûr. Mais en fait, tu regardes les droïdes préférés des enfants. Et CB23, ouais. C'est jamais R2D2 et C3PO aujourd'hui. C'était dans le passé. Ça. Ouais, mais pris séparément, C3PO et R2D2, ils marchent pas trop. Enfin, ils marchent avec le contexte autour, je veux dire. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. C'est pas ouf. Hein. Et que moi, c'est pour chialer quand je vois R2D2. Ouais. Non, mais oui, moi je les adore, hein, ces personnages, on est d'accord. Mais je trouve ça un peu, voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ils ça prennent pas de risque. Hein. Ils restent dans le passé et c'est dommage parce qu'ils auraient pu faire des nouveaux droïdes ou même reprendre CB23 et BB-8 pour une série comme ça. Sauf si là, pour le coup, ils canonisent l'amour entre les deux personnages. Non, mais non, ils feront jamais ça. Puis en plus, c'est des droïdes, donc ils pourront le justifier en mode bah non. Matt, tu postes ton image. Alors, Nebuff nous dit que oui, mais Mando est passé par là et c'est super populaire, ça peut ramener les gens à cette époque. C'est vrai que c'est pas improbable. Après, Mando est super populaire, ça a ramené des gens peut-être dans ce côté-là, mais avec la saison 2, on a peut-être perdu au record du monde au passage, hein, parce que vu le nombre de références que ça fait. Ouais, parce que nous, on est sympa, mais genre les potes d'Outrider et tout, ils commence à être dégoûté un peu, hein. Alors, nous, on n'a pas fait exprès, on a dit qu'on voulait être un podcast positif, mais genre, c'est vrai que là, par rapport aux autres, on est ultra positif, hein. C'est vrai, et pourtant, on est super critique, hein, vous nous connaissez, enfin, nous, on mâche pas nos mots quand on n'aime pas des trucs, mais là, je vois tout le monde autour qui commence à lâcher le mando et. Et ça... Non, vraiment, la nostalgie, Tross l'a prouvé, ça marche pas, et ça peut même dégoûter les gens, en fait. Aussi bien fait que ce soit, parce que moi, je trouve que, à part Ahsoka, vraiment, c'est vraiment super bien géré dans le Mando, mais voilà, c'est quand même trop pour plein de monde. Mais ouais, la première saison, elle avait été super bien reçue, mais le truc, c'est pour ça que tu prévois pas 70 spin-offs d'une série qui n'est même pas terminée, en fait. Mais c'était ce qui marchait avec le Mando aussi, c'était que pour une fois, ça se détachait de la saga Skywalker et des Jedi et tout ça. Tout ce qu'on avait eu jusqu'à présent, c'était autour de ça. Il y avait toujours un Skywalker quelque part. Et Mando, pour une fois, ça s'en détachait. Ça montrait, comme Adrien le dit souvent... la vie des gens autour de la saga principale et comment ça se passe dans le reste de la galaxie, etc. Et avec le 2, ils essayent de raccrocher au reste et ils refoutent des Jedi, ils refoutent des trucs. On verra bien, mais voilà. Le truc du Mando, c'est que c'était frais parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Ça parlait de choses différentes. Et c'est un nouveau truc. Mais là, faire je sais pas combien de nouvelles séries autour toujours de la même période et des mêmes personnages, ça va. Enfin, c'est chaud, ils ont intérêt à avoir des super scripts et concepts derrière, parce que... Les Rangers, là, le nom est nul, mais si c'est un truc, comme dit, si c'est un Starsky Hutch de la Nouvelle République, ça peut être rigolo, mais si ça reconnecte avec tout le reste encore derrière, ça peut être chiant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Faut qu'on se détache, c'est ça aussi qui... Bon, qu'on se détache et qu'on se dépoisonne. Mais tu rigoles, mais vraiment, moi je pense que c'est ce qu'il y avait de plus intéressant, que ce soit dans The Mandalorian saison 1 ou même dans le début de Star Wars Rebels. Ce truc un petit peu détaché où on montre d'autres gens. La saison 1 de Star Wars Rebels est la plus attachée, je trouve. Tu trouves que c'est la plus attachée? Bah, il y a Leia carrément dans la saison 1. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai oublié Leia. Il y a Lando, Leia, la saison 1, c'était pas la plus détachée. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, la saison 1 de Mando, c'était vraiment du neuf, et c'est ça qui a plu à pas mal de... Saison 2, Leia, ouais, bah alors il y avait Bail Organa. Solo, ça marche aussi, par exemple. Solo, alors Solo, ça marche pour nous, hein. Si je veux dire. Mais c'est exactement pour ça que t'auras jamais de trucs and fitness et de trucs sur les personnages de Solo et qu'il n'y aura pas de suite, en tout cas pas pour l'instant. C'est parce qu'ils considèrent ça comme un échec. Et du coup, le seul qu'ils vont ramener, comme je disais à Grushkov, c'est Lando parce que c'était déjà un personnage de la trilogie originale. Voilà. Autrement, tout le reste, pour l'instant, c'est sous le tapis. Hein. Exactement, ils se sont dit on efface complètement Solo, on efface la post-lo. Ouais. Mais c'est franchement, je pense pas que ce soit qu'ils osent pas prendre des risques. C'est genre les rares fois où ils ont pris des risques, ils se sont pris un backlash de ouf sur internet et eux ils croient que ça a de l'importance en fait. C'est ça le truc, c'est qu'ils donnent de l'importance au backlash sur internet et alors que les chiffres disent le contraire, tu vois. Genre alors qu'en plus, ils auraient montré Baby Yoda avant, il y aurait eu un backlash. Nous, les premiers, on n'était pas chaud. Quand on a eu quelques bribes de trucs à se mettre sous la dent, et ils auraient montré Boba avant, bah, la preuve, on aurait eu un backlash à la con aussi. Ouais. Mais je suis pas totalement d'accord qu'ils prennent pas des risques, c'est juste qu'ils l'enrobent de trucs nostalgiques en fait, mais le truc c'est que le Mando c'était ça, mais en même temps il arrive à avoir sa propre identité, tu vois, c'est pas juste la fête de la nostalgie comme Tross l'a été en fait, il a ses propres choses à dire, et tout ce que je peux espérer c'est que exactement comme Rogue Squadron, ça c'est juste le titre. C'est comme vraiment, ils auraient pu, la High Republic, ils auraient pu appeler ça l'Ancienne République et faire exactement la même chose. Ça aurait juste été un piège à gros nerds qui veulent pas grandir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les reboots de Marvel, les reboots de comics, les trucs comme ça. C'est pareil, tu gardes le nom, tu vas faire autre chose avec, quoi. Ouais, tu vois, par exemple, en parlant de Marvel, ben, je trouve que voilà, au niveau des risques pris, Marvel, ils ont attendu beaucoup plus de temps que Star Wars pour le faire. Problème, c'est que là, Star Wars, du coup, ils ont essayé de prendre des risques très vite avec The Last Jedi. Ça s'est pas bien passé. Enfin, ils ont fait du fric, hein. Ils ont fait vraiment beaucoup de fric par rapport à ce que c'était, hein. Mais ils ont quand même pris les trolls pour beaucoup plus sérieux que ce qu'ils auraient dû faire, beaucoup plus au sérieux que ce qu'ils auraient dû, et c'est ça le problème. Un peu de temps après. La série Lando, c'est une série sur un homme noir qui est écrite et réalisée, en tout cas au moins réalisée, par un homme noir, et rien que ça, tu vois, c'est le piège à Dudebro, c'est Lando, tout ça, mais en même temps. Ben, il y a quand même de la diversité, quoi. Et c'est tout ce que j'espère, en fait, qu'ils vont réussir à faire, en fait. C'est ramener de la fraîcheur dans des trucs où on l'attend pas. C'est pour ça que pour l'instant, même s'il y a rien qui me hype et que vraiment sur le coup j'en avais juste marre, ben, je me dis, ils peuvent toujours nous surprendre dans le bon sens du terme. Bonsoir, Cabris encore. Salut. Non, je sais pas ce Salut que vous en Cabri. pensez. Oui, Ah bah moi ben j'attends de voir comme d'habitude, hein. J'ai jamais aucune attente. bah ouais. oui. Attends, C'est pour vous ça que c'est sortez. nul de parler avec toi. Tu es déjà. Ouais, ok. Bah moi je m'occupe du Je déménagement. t'attends que j'ai. Oui, Je vais te. c'est Pardon? Ouais. Je disais, c'est pour ça que je peux pas parler avec Tuki. Je commence à lui parler des trucs et Tuki est là, genre ouais, mais je m'occupe du déménagement. Moi j'en ai rien à foutre. J'ai Genre 15 bah appels à passer, super. 6 rendez-vous dehors. Mais non, ça Ok, vous connaissez, comment on kick Nalzeb? Genre il cherche. de Kalkatarn. Mais en La vrai. zèbre, c'est de bonne guerre, mais Du c'est un. Lando, on a du biscuit, on a quelque chose à ce... Des infos? Rien du tout? Lando? Quoi? Ouais. Lando, Sur non, Lando, à part rien. le réel, rien. Juste Non, le mais réal. le biscuit. Est-ce Attends, qu'on a le biscuit, c'est le le au réel? Non, moins? Non. on n'a pas encore donné. On ne sait pas encore si c'est Donald Glover, même si voilà, c'est sûr que ce sera lui, honnêtement. Bah oui, le Est-ce que biscuit, il ce est sera vraiment les vieux, deux? C'est ça hein. la question. Moi, j'aimerais. Voilà, alors voilà quand je disais qu'il n'y avait pas Les d'inspiration dans deux. les titres. Pourquoi ils n'ont pas appelé ça les Chroniques de Ça Calrissian? aurait été Et parfait. genre, c'est le vieux Lando qui raconte ses aventures. Et en fait, t'as un narrateur et c'est le vieux Lando qui narre ses aventures de quand il était jeune. Et du coup, Et tu vois le vraiment, film de il y avait faire, un ouais. concept. Peut-être que c'est vraiment ce qu'ils Parce vont faire, mais ce serait que trop fun. pour grand public, Lando, ça sonne mieux. Enfin, ça percute plus vite que Calrissian, je pense. Mais Je oh. sais pas, Calrissian, c'est vraiment un nom particulier que t'entends Les nulle part ailleurs, couleurs et quoi. tout, enfin, je sais pas. Le logo qui est super, hein, pour le coup, qui est vraiment bien trouvé, c'est vraiment du pur Lando. Hein. Mais ouais, ce Attends, serait et trop bien, peut-être, tu ça, les sais, chroniques. Gruche, c'est pas parce que ça s'appelle pas les chroniques que ça sera pas vraiment Billy Williams qui racontera Oui, c'est C'est ce ce qu'il a que je dit. passais. Il C'est a dit, littéralement ce ouais, que j'ai dit. Mais j'ai c'est ce dit, qu'ils vont faire. mais ils auraient pu en faire le titre, parce que c'est fun. Oui. Plus tu On sais, dirait c'est Rodion. Leonardo DiCaprio avec le doigt pointé là, genre ah ouais, c'est comme dans le film, c'est comme notre boucle qui passe derrière là. C'est les On chroniques de dirait une Calrissian. enseigne Les de chroniques de club Calrissian. Oh oui. Ouais, combien de personnes il va soulever? Est-ce qu'il va être pan dans la série pour de vrai? Allez, foutez-nous des personnages LGBT à fond là, merde. Vous êtes Non, en moi j'en retard veux. là-dessus, Disney. On en aura possiblement dans la série dans la série justement The Acolyte. Parce Yes, que celle-là et celle de enfin, le film de Taika, je pense que si on peut avoir des trucs ouais. de diversité et de trucs plus osés qui sortent de la Ouais. prudité, prudeur, je ne sais pas La quoi, prudité. de Disney, ce sera dans ces deux-là, hein, parce que Oui, bien sûr. je les vois bien faire, c'est mon The film, je pense que Acolyte, la créatrice Leslie Headland, déjà, il me semble qu'elle est lesbienne. Et aussi, genre, dans son show, bah justement, Russian Dolls, vraiment, bah, j'ai vu que deux épisodes, hein, mais vraiment, tout le monde dans cette série. Tout le monde nique. Et queer, non mais et queer, c'est Oui. vraiment incroyable, Ah vraiment. oui, mais tout le monde nique avec tout le monde, quoi. Bah, Salut et Skyrus. du coup, c'est trop cool. Et j'ai hâte de voir ça. Par contre, pour Lando, voilà, bon. Rumi. Moi, de toute façon, tu me demandes ce que j'attends. Hein. Si je suis excité par le fait de voir, Hein, de revoir Donald Glover en Ah, tant que Lando littéralement excité. Calrissian dans un endroit, dans un univers, où possiblement, en plus, t'as une Fitness et ses Cloud Riders à côté? Ouais, Bon, ça bah j'y moi, c'est compterais pas banco. trop, mais. Moi, c'est banco. Moi, j'achète, si tu veux. Même si c'est de Oh la merde, putain. ce sera déjà mieux que tout. Tu sais, c'est comme Anne qui raconte qu'il se vante tout le temps de son histoire des 12 parsecs et tout. Et là, ça va être Lando qui raconte oh, voilà, je faisais ça, j'étais vraiment. Mais Sauf oui! que lui, il a vraiment fait, tu vois. Et on Mais c'est verra un peut-être tricheur, pas aussi. Lando. Ouais, c'est vrai. Bon, et là, en fait, on a tort et ça va être genre juste Casino Royale, la série, mais c'est même pas de l'espionnage, c'est juste il est au casino. tout moi, le... ça me va. Bah ouais, j'allais dire, je signe aussi. Hein. Ouais, pareil. Un épisode, c'est un jour, et puis à la fin de la journée, à chaque fois, tu le vois retourner dans sa chambre avec quelqu'un d'autre. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'on verra le Lady Luck? Bah ça dépend quand se situe la série. Bah je pense que ça se situera après Solo. Après Solo? Ou avant? Ouais, je pense. Avant. Je vais préciser ce qu'est le Lady Luck pour les gens qui ne c'est son pas. Vaisseau dans le Legends et le canon. Comme ça, Adrien, il peut pas râler. Allez, boum. Je déteste. Nous aussi. On se déteste. On se déteste, on se déteste, t'inquiète pas. Salut, Skyverse. Alors, du coup, et vous, du coup, dans le chat, quel est le truc qui vous plaît le plus? Parce que c'est vrai que nous, on râle même quand on aime bien les trucs. Donc c'est parce qu'on est français. Ici. Qu'est-ce qui vous hype le plus, à part... Alors, vous n'avez pas le droit de dire Hayden Christensen, par contre. Sinon, il y a Romy. Comment il s'appelle? Ouais, Romy. Ewan McGregor. Pas les trucs obvious, quoi. C'est 4 épisodes, hein, c'est ça, la série sur Obi-Wan. Je crois que c'est pas beaucoup plus, en tout cas. Ouais. Après, ça, c'est un truc qui me rassure un peu. Si tous les trucs qu'ils ont montrés, c'est des mini-séries de une saison, moi, je dis, pourquoi pas, ça peut être, en fait, intéressant d'avoir des trucs plus courts. Et avoir juste le Mando qui est en plusieurs saisons. On n'a aucun calendrier, d'ailleurs. Comment? On n'a aucun calendrier, à part les trucs qui étaient déjà annoncés avant, ouais. Il y a Waylins qui fait Squadron, mais seulement si c'est un buddy movie, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, ça pourrait être fun s'ils en faisaient un buddy movie. À la Top Gun entre Nana et personne queer, s'il vous plaît. Bah, à Top Gun, c'est déjà entre personnes queer, hein, quand tu réfléchis bien. Je connais pas Top Gun. Top Gun, c'est vraiment juste des mecs à poil qui se font des câlins pendant tout le film. Oh, nice. C'est ça, peut-être que ce sera Alors ça, non, en fait. C'est pas nice, parce qu'il y a Tom Cruise, mais c'est un des films les plus gays que j'ai vu de ma vie. C'est normal, il y a Tom c'est Cruise. Incroyable. Ouais, Acolyte. Acolyte, je sais pas. Fixed Orcas Acquisition, ouais, ce serait bien. Fixed Orcas. Perso, ouais. Ça serait Acolyte. Imaginez, Rogue Squadron, c'est post-Tross, et dans le Rogue Squadron, t'as Kaz. Oh yes! Oh là là là là. En live oh action. Je vois mal perso. Mais... Comment? Je vois mal situé après Tross perso, mais ça serait cool. Ouais. Mais si, une nouvelle era, new era, niquez-vous. Et Tam et Niku. Et... Ouais, t'imagines, t'as Kaz et Tam. Non mais déjà, si un jour on voit un des personnages de Resistance en live. Bon, sauf si c'est interprété par Donald J. Trump ou une connerie comme ça. je vais me permettre de préciser parce que vraiment, on sait jamais. Hein, ouais, c'est clair. Mais vraiment, je serais tellement content. Je veux dire, en plus, Niku, il pourrait vraiment jouer. Il pourrait vraiment être joué par l'acteur qui joue d'ailleurs dans la très bonne série Silicon Valley que je vous conseille. Et c'est trop bien, quoi. Enfin, il faudrait trouver Niku en vrai, quoi. Comme dit Romy dans le logo, et c'est un X-Wing. Vous êtes sûr que c'est pas un T-70? C'est un T-70, non, alors, je pense. Moi, je trouve qu'on dirait pas vraiment un X-Wing. Hein. C'est quoi, alors, un B-Wing? Non, mais au milieu, je trouve que l'intérieur est un peu différent. Si tu regardes de dessus, ça ressemble à un T, donc c'est un T-Wing. Allez, va te faire voir, Matt. Un E-Wing. Non, mais... D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de B-Wing, foncez tous sur Squadrons, parce que c'est le TIE Defender et le B-Wing sont sortis, et le B-Wing, c'est sûrement le meilleur vaisseau de tout le jeu. C'est pour ça que je vais me casser depuis tout à l'heure, donc je peux pas, parce que je suis avec Vous avez intérêt à faire des lives sur le jeu, hein, pendant qu'on sera pas dispo. Moi, je vais en faire sur Jedi Fallen Order. C'est Squadrons, l'actualité, là. Qu'est-ce qu'il fait, ce gars? Ouais, mais c'est pas bien, Squadrons, c'est pas... Quoi, c'est pas bien? Comment ça, c'est pas bien? C'est bien, mais... Ah si, maintenant, on peut jouer avec ses potes, donc c'est bon, je vais faire... On fera des games perso. Vous pouvez jouer avant, jouer avec ses potes? Non, mais c'est bon, je l'ai viré. Merci, vous avez bien fait de le kicker. J'ai kické Adrien. Allez. T'as quelque chose à dire, Adrien? J'aime beaucoup Star Wars Squadron. Je sais pas si mais ça me fait chier parce que ce jeu, j'aime bien tout. J'aime bien les personnages, j'aime bien les graphismes, j'aime bien les vaisseaux. Mais en fait, juste les jeux de vaisseaux, ça m'intéresse pas tellement. Enfin, je suis pas fan, quoi. Mais bah, c'est un pas un jeu auquel tu te dis aujourd'hui, ah oh ouais, je vais jouer à Squadron. Bah, moi, c'est exactement ce que je me suis dit aujourd'hui. J'y ai joué avant la mise à jour. Je savais même pas qu'il y avait la mise à jour aujourd'hui. Ah bah. Alors, ouh. Et voilà. Moi, oh mon dieu, je dois tout faire pour le déménagement. Je cours à gauche, à droite, et puis quand je crois, il y a une mise à jour, Squadron. Mais je devais m'occuper de mes enfants et. Je sais, je te charrie. Comment je les tiens en laisse pardon. Non, déjà, ils passent leur journée à poncer Pokémon, là. Ils ont raison. Oui, mais. Enfin, les pauvres. Je l'ai, lui ai fait Pokémon gagner. Il y avait un combat, mais qui était désespéré parce qu'il avait aucun Pokémon qui allait face au Pokémon en face et je lui ai fait gagner comme un badass. Voilà, nous, on est ses coachs. Engagez-moi. Je ne perds jamais de combat Pokémon. Au jeu sur DS ? Non, il joue sur la Switch. Let's go Pikachu. Ah oui. Ah oui, bah, en plus c'est bien pour eux ça. C'est bien. Ouais, c'est parfait pour le petit. Bref, ouais. c'est Star Wars, c'est totalement Star Wars. Oui, c'est Star Wars. Mais oui, c'est ça, Skyrers. Ils avaient dit New Era, alors moi j'ai fait la blague, oui, la nouvelle ère après le 6, quoi. Mais en vrai, ils risquent de nous la faire comme ça, mais si c'est post-Tross, peut-être qu'ils vont faire avec le post-Tross ce qu'ils n'ont pas fait avec le pré-TFA, en fait. Tu veux dire un bon film. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Pré-TFA, ils ont fait des bons films. Non, c'est-à-dire donner du contexte politique dans la galaxie, oui. Après la chute de l'Empire, genre, ils ont toujours pas fini, là. Je pense qu'on n'a pas le temps dans un film de Pew de faire du contexte politique. Hein. Ouais, c'est ça. Ben, vous savez quoi, on fera un épisode spécial où on discutera de la postlogie et des trucs qu'on défendait mais qui maintenant du coup une fois la trilogie finie moi je remets en question encore plus et en fait y a plein de décisions qu'ils ont prises qui sont logiques mais genre par exemple le fait de faire un film d'aventure comme ça et tout bah en fait ça a amputé beaucoup de choses et en fait le film qui tirait le plus de balles dans le pied de la trilogie encore plus que Tross, c'était TF1 en fait. Et c'est pour ça que Rian Johnson, beaucoup des problèmes que les gens ont avec TLJ, ils découlent directement de TF1 en fait. C'est vrai. Et on en reparlera parce que j'arrête pas d'y penser en ce moment et il faudra que je me vide un petit peu. En privé, s'il te plaît. Ok, Tuki, on parlera tout à l'heure. Autrement, j'en profite peut-être rapidement, on va pas en parler beaucoup, mais pour voilà, vous parler d'autres projets Lucasfilm. Alors, j'ai déjà évoqué Widow parce que je suis un fan inconditionnel de Widow et je vais pas en reparler maintenant, même si voilà, n'hésitez pas à dire à Grushkov et tous les autres sur Twitter qu'il faudrait qu'on parle de Widow aussi. Comment ça, tous les autres, je te rappelle que moi aussi je suis fan de Widow, même s'il m'a donné des cauchemars pendant un an de ma vie. C'est vrai, tu dis ? Mais on n'arrête pas de te le dire. À chaque fois, je te redis que je suis fan de Willow. À chaque fois, tu me fais le même. C'est vrai. Oui. Adrien, j'ai vu Willow quand j'avais genre 6-7 ans. Adrien, il a deux minutes de mémoire. Mais moi, je l'ai montré à Grushkov et je vais tous vous le montrer parce que bordel de merde, il y a Val Kilmer qui est sexy, il y a Sorcha qui est sexy. Tout le monde est sexy dans ce film. Ah mais t'aimes bien Willow aussi. On est juste pour le sexe. N'oubliez pas le hashtag, hein, on s'en fout de Willow. Hashtag on s'en fout de Willow. Oh, attends. Nique-toi, Matt. Hashtag nique-toi, Matt. Oui, du coup, parler d'Indiana Jones, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Je voulais un peu parler. Alors, ça, c'est drôle. Indiana Jones, moi, c'est une saga qui m'est complètement passée au-dessus de la tête. Je ne l'ai jamais vu étant gosse. J'ai acheté le coffret Blu-ray il y a 3 ans. Je ne l'ai encore jamais vu. J'ai dû voir un morceau du 2 et le 1 entièrement. Mais voilà, regardez Willow. Prochain. Moi je les ai vus, mais à chaque fois j'oublie ce que c'est. Et de toute façon, c'est ouais, la momie, c'est meilleur. Ah oui, en plus, dans la momie, il y a comment ? Il y a deux bisexual icons. Bah, ils sont tous trop beaux, trop magnifiques. Voilà. Oh, bordel de merde. Attends, juste un aparté. Tu as vu le gars de la momie qui est tout le temps sur son cheval qui maintenant est dans Star Trek Discovery ? Il regarde pas Star Trek Discovery. Ah, bordel de merde! Le gars dans la momie, tu sais, qui garde le temple. Le Medjay. Hein? Le Medjay. Oui! Le beau gosse là. Et ben il est dans Star Trek Discovery maintenant. Ouais, c'était aussi mon préféré, mais c'est normal. Après, je me suis rendu compte de pourquoi c'était mon préféré. Quand je me suis vu dans le miroir quand j'étais adulte. Oh well. Donc voilà, bah, la momie c'est trop bien. Néanmoins, malheureusement, c'est pas Lucasfilm, j'aimerais bien d'ailleurs. Mais le rapport avec Indiana Jones, du coup. Le rapport avec Indiana Jones, voilà. Indiana Jones, pas, on est en roue libre. Indiana Jones, donc, va être et réalisé même par James Mangold, hein, qu'on a vu aux commandes de Ford versus Ferrari, mais aussi et surtout de Logan. Ouais, voilà. Logan, qui était quand même un très très bon film. Donc, il va réaliser ça cet été. Attends quoi. Alors, même mais du coup, est-ce que c'est toujours écrit par John Kasdan ou pas? Fin du printemps. Alors, c'est pas précisé si c'est encore écrit par. En tout cas, dans ce qu'on a eu hier, ça n'a pas été précisé. J'espère, pour le bien de l'humanité. Mais quoi qu'il en soit, alors, c'est pas précisé. Et donc, ça arrivera en juillet 2022. J'ai vu quelqu'un qui disait hein. Regardez cette icône de Harrison Ford, il a réussi à faire tuer. Han Solo, et maintenant il s'apprête à faire tuer Indiana Jones. Pour... mec, quand il en a marre de jouer, il tue ce personnage. Allez, c'est bon. Mais tout ça pour... Mais on a fait le tour de tout là Non, mais les trucs Star Wars, parce que t'es en train de partir complètement en cacahuète. Il s'approprie l'émission. Maintenant, c'est bientôt. Là, il va passer au MCU, le mec. En fait, il va tout faire. Non. Non, mais juste, je voulais parler d'un projet de. On va parler de fan film bientôt. Skyros qui nous dit Indiana Jones. Mais non, mais un projet nigérien. Un projet nigérien de justement l'adaptation de. En film de livre de Tommy Adeyemi qui en gros s'appelle Children of Blood and Bone et c'est un film qui est centré autour d'une jeune fille africaine et donc voilà qui est en quête de restaurer un petit peu la magie pour son peuple. Ouais, j'ai trop envie de voir ça aussi. Et d'ailleurs, le saviez-vous, c'est un projet qu'ils ont racheté à Fox en fait en rachetant Fox. Et à l'époque où Fox s'en occupait, Rick Famuyiwa, il y était attaché. Donc, est-ce qu'il va toujours y être, vu que là, il est sur Mando, et donc il a des contacts chez Lucasfilm ? Possible. Oui, Ford qui a dit qu'il ne voulait pas voir Chris Pratt jouer Indy. Mais alors, après Ford, il veut voir personne jouer Indiana Jones, à part lui. merci, Romy, de redire les choses qu'on a dites, mais peut-être qu'il y a du retard. Oh. Non, mais peut-être ça a été confirmé et c'est moi qui dis des bêtises. Ah ok. Bon écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là parce que faut vraiment que j'aille boire parce que je pense que je vais mourir sinon. Y a un dernier petit truc qui est intéressant à ajouter, c'est ça, c'est pour t'embêter parce que tu nous as saoulé, Quilo. Non, c'est juste qu'apparemment Disney a annoncé qu'ils allaient construire trois, je crois, écrans supplémentaires. Le comment ils appellent ça déjà oui, le des craft... volumes. Volume, voilà. Ouais, déjà, ils en ont fait un à Londres, là, pour Cassian, a priori. Cool. Mmh. Donc, à voir si ça sert uniquement à Star Wars, s'ils vont l'utiliser pour plein d'autres choses chez Disney, mais c'est cool, voilà. Apparemment, ça marche bien. Bah oui. Et ça peut-être permettre d'accélérer aussi la production des différentes séries Star Wars. Quoi. C'est là que c'est pour ça que je dis que le vrai descendant spirituel de tout le boulot de George Lucas, plus que la post-logie, et malgré TLJ, en fait, c'est vraiment le Mandalorien qui, en plus d'explorer des thèmes mythologiques et tout, et de la famille, et de la rédemption, tout ça, il a poussé vraiment la technologie au-delà la façon de faire les films, et ça, c'est un truc qu'on pourra pas lui retirer. Et apparemment, l'avantage, c'est qu'aussi, tu peux plus facilement tourner en confinement, parce que ça demande moins d'équipe, forcément. Oui. Ouais. Voilà, et ils étaient prêts, en fait. Ils étaient trop dans le turfu. C'est ça. Contrairement au reste de Disney, hein, qui est toujours complètement à la ramasse et qui vont faire mourir plein de monde. Mais bon, après, ça... Les vieux blancs conservateurs. Quoi. Ouais, merci Bob et Bob. Oh, grave, cassez-vous. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et si on continuait une petite heure Pour une petite heure supplémentaire, moi je suis plutôt chaud. Salut. Je me casse. Je sais même pas comment je vais faire avec la VOD de ce truc. Tu veux parler de Willow, c'est maintenant ou jamais. Je prie. Oublie pas le hashtag ferme ta race, Matt. Hashtag va te faire foutre, Matt. Ah, nique-toi. Bon, écoute, voilà, nique-toi, Matt. C'est pas un truc pour les. C'est pas un truc pour les gens qui. Pour les enfants, hein, je dis beaucoup trop de gros mots. Oui, c'est qu'on en dit beaucoup de gros mots, c'est pas. On est vraiment. Bah alors, hashtag méchant, Matt. Hashtag méchant. Vous êtes pas très gentil. Non, bah, Matt, moi, je pense que je vais devoir te mettre une petite fessée. Hein. Non. Non. Mais sexuelle. Oui, ben non. Oh, vas-y. Vas-y, je quitte le podcast, là. Je me sens trahi comme jamais. Okay, comment il va se vider, maintenant? Bah, je vous laisse terminer, hein, vous démerdez-vous. C'est en train de débattre dans les commentaires. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée pour ceux qui sont ailleurs dans un autre fuseau horaire. Et merci d'être venu, merci de nous avoir écoutés et bah, à bientôt pour de nouvelles aventures dans une galaxie toute proche. Je sais pas si ça s'est remarqué, mais on était fatigué là. Enfin, niquez pas Discord, ma conclusion. Ouais. Hein, là, on est sur. Enfin, vous pouvez aller voir en dessous. Là, il y a tous les. Enfin, regardez un peu autour de vous. Il y a tous les liens qui vous emmènent sur notre Discord. Il y a des gens qui arrivent encore aujourd'hui à atteindre notre Discord et on dit beaucoup de bêtises là-bas. Il y a Matt qui fait des blagues quand il est pas en train de dormir pendant une semaine. Enfin, c'est incroyable. Viens de dormir. Nous, on fait des montages avec nos visages sur les visages des persos de Star Wars. Ouais, ouais. Alors là, pendant que Matt était pas là, j'ai. On en profiter, les salauds. Hein. J'ai fait... on a fait. Faut pas laisser un téléphone dans les mains, moi. Il fait cœur ce que vous avez fait, là. Donc, il ouais, voilà. Merci à tout le monde. Bonne nuit ou bonne journée. Et que la force soit avec vous, n'est-ce pas, Adrien? Je te laisse. C'est censé être ton émission. Oui, mais moi, juste, voilà. N'oubliez pas le hashtag Willow pour Faucon Mignol. Et puis, c'est tout. comme le dirait Adrien, on vous souhaite de gros bisous. et si j'ai internet le 30 décembre on fait un live spécial bêtisier de la deuxième année de Faucon Millenial. Ouh, et dedans il y a un conte de Noël raconté par Adrien. Oui, on va passer vraiment, le bêtisier en live pour qu'on puisse réagir en même temps et bien se marrer. Ouais, vraiment à ne pas rater, je vous jure que vous voulez entendre ça. Si vous voulez entendre la légende de Kakashias, venez. Chut, faut pas le dire, c'est un conte de Noël. Ok. Allez, salut tout le monde. Salut, et merci. Bye.